Radio Shtoub en direct du stade Michel Dornano de Caen, dans la loge Radio Shtoub. Nous sommes tous présents, le voyage payé effectivement avec l'argent du t-shirt. Merci Chris. Et merci Marc Keller. Merci Marc Keller, merci tous les Shtoubistes. Après ce magnifique match où on a rêvé, on est encore. J'ai les mains qui tremblent tellement d'émotion. La chair de poule. La chair de poule. Alors Kittel aussi est du voyage à Caen. Bonjour à tous, nous sommes chez les Normands. Voilà. À tort, bien sûr, ne pouvez rater ça. Bonsoir, on a pris plein l'Emirette, effectivement, c'était magnifique. Voilà, et quel chiot 90, lui. Bonsoir. Dans la froideur normandaise. Normandaise, voilà. Alors, nous sommes tous là, on va débriefer. Les joueurs sont encore en train là, de faire le décrassage. Je vois Dimitri Liénard qui salue les supporters. Oh voilà. C'était magnifique, ça c'est du grand football, c'est comme on l'aime. Enfin, on a vraiment passé une super après-midi. Que d'émotions. Bon, le score, 0-0. Merci. Voilà. Face à une équipe de Caen qui va jouer certainement les premiers rôles dans le peloton de tête. Le classement à l'envers, cahier du foot. Que dire, est-ce que vous commence par quoi, les actions marquantes? On sèche un peu parce qu'il n'y avait pas trop de choses à se mettre sous la dent. Il y a eu un festival de passes en touche et de contrôles ratés, de non-occasions. Il y a une petite occasion de Thomasson, mais à part ça... On ne sait même pas si elle était cadrée. Elle était dedans, elle était en pleine lucarne. Ouais. Ah, c'est celle où Ajorque... Sauvée par Ajorque. Mais autrement, oui, c'était un match vraiment triste. Caen qui est vraiment nul. Enfin, pour le coup, c'est vraiment une des pires équipes de Ligue 1. Enfin, voilà, on peut le dire. C'est ce qu'on se disait. Guingamp, ils ont peut-être au niveau de l'effectif, ils ont des joueurs à peu près équivalents. Mais Guingamp, ça tente de jouer. Caen, ça tente même pas de jouer. Enfin, collectivement, il n'y a rien. Enfin, Courbis n'a pas apporté sa magie, son expertise. Alors, Roland Courbis, c'est un peu l'éminence grise, le consultant, le cardinal Richelieu le coach de REMEC. Voilà, on a beaucoup de plans sur lui, on l'a beaucoup vu, plus que les joueurs, plus que certains joueurs. Mais c'est vrai qu'il n'a pas apporté un peu de folie. Et le Racing, de son côté, non plus. Pourtant, l'équipe était remaniée avec le retour de plusieurs titulaires. Lala, Dimitri Liénard, Cassis, Cornier, la surprise. Il y avait pas mal de changements par rapport à Saint-Etienne. Bon, Cornier, un peu le running gag depuis plusieurs mois. On ne sait pas trop où il était sur le terrain. Sachant que Persic est arrivé et il lui ressemble un peu physiquement de loin. Yeah, mais c'est pas le même poste. Non, mais de loin, on voit un peu un gars brun qui est habile avec le ballon, mais bon. Mais qui n'en fait rien. Ouais, bah, quand il y a une occasion, la tête. Tête lobée. C'est vrai. Ah, ouais. C'était peut-être une des plus belles occasions, parce que c'était cadré. Ça nous a arraché un cri de. Voilà. Samba, qui est un petit peu l'alter ego de Bingoro Camara. Bon, on pouvait s'attendre à ce qu'il se trouve, non? Il a pas eu grand chose à faire, mais il l'a bien fait. Enfin, il l'a fait. Matt Sells, par contre, lui, de l'autre côté, a été sur tous les ballons un petit peu chaud, parce qu'il y a eu quand même quelques ballons un petit même, peu. Même les ballons qui sortaient. Oui, il s'est même permis de faire un sauvetage sur un ballon d'encadré. Il y a quand même cette occasion sur une longue course d'un joueur de Caen que je ne connais pas, hein, parce que je ne vais pas déconner, on ne va pas connaître les joueurs de Caen. Mais où Matt Sells s'impose en handballeur, une sortie à Alexander Wenzel, où il s'impose en début de match, qui permet de rassurer. C'est vrai que grâce à lui, on a pas ce stress. Ouais, c'est non contre plus. Khawi, qui était sur son pied droit, et donc c'était un peu moins dangereux que s'il avait été sur le gauche. Mais la sortie était impeccable, enfin, c'était pas évident non plus de sortir. Un arrêt de hockeyeur aussi, on peut dire. Donc Matt Sells, toujours très bon. Au moins, là, on a gardé la cage du Racing inviolée, c'est un point positif par rapport aux deux dernières sorties. Après, défensivement, on n'était pas vraiment inquiétés non plus. Hein. Enfin, finalement, on a vu une défense, notamment Mitrovic, qui a fait son match tranquillement. Enfin, jamais vraiment attaqué. Enfin, en face, il y avait quasiment Ninga et Enzo Crivelli. C'est pas vraiment ce qui fait peur le soir. Non, même l'après-midi à 15h. Non, c'est clairement un match qu'on a joué pour pas perdre. Finalement, on n'a pas pléthore d'occasions, mais en même temps, on est rarement mis en danger hein, dans tout le match. Hein. face à effectivement une équipe de Caen qui est très faible et qui, à mon avis, peut vraiment s'inquiéter. De... Ah oui, ils vont tomber. Je pense que les deux relégables, je pense qu'on les a. Hein. Ouais, il y a Amiens-Dijon. Amiens-Dijon, ça va être une lutte à mort, je pense. Ouais, mais Amiens-Dijon, ça joue quand même mieux que Caen et Guingamp. Oui, je pense que Caen et Guingamp, effectivement. Je pense que Guingamp, c'est foutu. Mm. Bon, ils vont gagner la Coupe de Ligue, mais on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que là, on ne voit pas comment ils peuvent relever la tête. Enfin, Caen, je ne vois pas du tout ce soir. Peut-être à moins que Caen, un changement de coach, l'arrivée de coach Courbis. On manque d'informations, là. On ne sait pas vraiment. Ah, ça bouge hein, du côté de la tribune d'honneur. Mm. Attention qu'il y a Roland qui passe derrière dans le couloir. Voilà, il y a eu une banderole dirigeant d'émission des supporters de Caen qui sont pas les plus virulents non plus. Hein. Caen, c'est un peu un club qui était un peu comme le Racing de l'époque, c'est-à-dire beaucoup de yo-yo, toujours entre la première et la deuxième division. Eux, ils ont par contre pas sombré complètement comme nous. Mais donc, du coup, je pense que c'est pas non plus les mecs qui s'attendaient à jouer la Coupe d'Europe cette année. Mais là, c'est vrai que le spectacle. Surtout qu'ils ont raté le recrutement aussi. Enfin... Non, mais ils ont changé de président. Le manager général, bon, qui était Gravelaine, on ne sait pas comment il avait les titres pour faire ce métier. Mais faisait du bon boulot, Gravelaine. Ouais, ouais, malgré tout. Ouais. Bah, bon, Garande n'a pas été prolongé, il était un peu en bout de souffle. Oui, mais c'est assez logique d'avoir relancé ce club, mais là... Mercadal, ça peut être un bon coup, pas dans ce contexte. Ouais, enfin, ils sont nuls depuis le début de saison. Ça fait 2-3 ans, hein. Ça fait 2 ans qu'ils obtiennent leur maintien miraculeusement au parc, face au PSG qui joue plus rien du tout. En obtenant un nul, mais je crois que c'était il y a 2 ans, non, où c'était presque scandaleux, où ils égalisent à la 93e, avec Ronny Rodelin, alors que Paris s'était complètement arrêté de jouer. Et finalement, cette équipe toute nulle, on prend que 2 points face à elle, hein, sur les deux camps, cette année. Camp me fait un peu penser à Sochaux, Sochaux qui a joué le maintien pendant plusieurs années, qui était toujours limite de jouer avec le feu, et puis au bout d'un moment, la corde se rompt, et puis c'est la descente. À quand des Chinois au stade, malheureux. J'ai mal avalé ma fougasse. Non, mais malgré tout, le nul était assez prévisible, on va dire. Parce que gagner là-bas, c'est quand même pas... ça n'a jamais été fait. Le Racing n'a jamais gagné dans contre ce stade. Contre Caen. Contre Caen, oui. Parce qu'on a gagné contre Auxerre, là-bas. Ouais, quand on a joué à domicile, là-bas. Et... bon, ouais, ça met fin à une petite série de défaites. Et c'est le premier match nul depuis le match aller. Non, depuis le match aller. Ouais, en championnat. Parce qu'il y avait Lille en 0-0 aussi. Voilà. Oui, Lille 0-0. Un match aller bon, qui était en décembre, donc, mais vu qu'il y a ce calendrier un peu à la con, qui n'est plus, complètement à la con, qui n'est plus couplé, on ne s'y retrouve plus. Et c'est... Voilà, on peut. Alors, au niveau, peut-être ce qui a été intéressant, quel joueur un peu sorti du lot? J'ai entendu Matt Sells, bon, ça tout le monde est pas... Thomasson était plutôt bon. Bizarrement sorti. Au bout de 3/4 d'heure de jeu à peu près, alors que c'était un des joueurs les plus intéressants. 3/4 d'heure de jeu. 3/4 d'heure du match. Non, oui, sorti 3... à 75e dans ces 3/4 d'heure du match, oui. C'est pas 3/4 d'heure de jeu, ça. La 3/4 d'heure de jeu, c'est ça fait mi-temps. Ah oui. Non, on révise les. Oui, alors. Les fractions. C'était tellement passionnant que c'est passé super vite. Mmh. Mais oui, non, je voulais dire les 3/4 d'heure de jeu, je voulais dire à 75e en plus. Je dirais qu'il y a Lala qui est un peu agaçant parce qu'il a fait quelques tentatives de dribble un peu à olé-olé. Ça n'a pas fonctionné. Lienard, de son côté, a bien bloqué et a tenté un petit peu de sortir, mais ça m'est allé très toujours loin. Toujours très brouillon, oui. Très brouillon, très premier poteau. Persic était bon aussi. Je trouve que Persic commence un peu à s'installer, même si faut s'habituer à ce que ce soit un jeu plus statique que pouvait le faire Martin. Oui, c'est plus le 6 distributeur, ouais, Pirlo, voilà, à la Pirlo, mais qui n'a pas de l'activité de Martin. Martin, à la limite, il a aussi un peu ce profil-là, mais en plus, il peut aussi monter, apporter le surnombre par ses déplacements. Persic, ce n'est pas du tout le cas. Oui, mais je dirais qu'il est quand même un peu en progrès. Enfin, ça fait 3 fois qu'il est titulaire de suite. Et bon, on sent quand même un progrès, même si bon, beaucoup de monde va peut-être attendre qu'il fasse déjà des miracles. Bon, il a déjà un but. Hein. Il a déjà un but, c'est pas vrai. N'oublions pas l'aspect statistique qui permet à certains de dire que Saadi était le meilleur attaquant de la saison dernière. Donc, bon, au niveau satisfaction, ouais, bon, la défense. Enfin, Cassie, je ne l'ai pas trop vu. Mitrovic, un peu boulot, mieux. Hein. Ouais, effectivement, il couvrait des attaquants un peu fantômes. Donc, Martinez, par contre, un peu limite parfois. Enfin, à un moment, il s'est fait fumer par Enzo Crivelli. Ouais. C'était bizarre. C'est quand même bizarre, oui. C'était pas son meilleur match non plus. Après, c'est vrai qu'on n'était pas en danger, hein, donc la défense, c'est difficile de tirer à boulet rouge dessus. Oui. Moi, j'ai bien aimé, au contraire, les rentrées. Je trouve que Motiba, Fofana et Da Costa ont apporté ce qu'on attendait d'eux, de la percussion. Et, alors, il y a une... Ça a réveillé un peu le match. Ça a un peu le match. Da Costa a eu 3-4 percées, mais qui n'ont rien donné. Ça a vite avorté. On peut voir le côté, il a vengé les actions, ou de l'autre côté, il s'est créé des actions, il a su déborder. Sans critiquer le reste, je trouve dommage que Da Costa soit rentré aussi tard. Parce qu'il a finalement le profil un peu sur ce genre de match à la con, où les deux équipes jouent pour pas perdre, d'apporter sa vivacité. Voilà, peut-être le voir un quart d'heure ou 20 minutes plus tôt, ça aurait peut-être pu changer le match, mais non. Avec Dessy. Voilà. Il coupe du bois. Motiba, il a eu une... Il s'est créé une belle occasion qui est contrée, qui entraîne la frappe de Fofana, qui est peut-être une des plus belles occasions du match. Il y a eu quelques amorces d'occasion une fois qu'il était rentré. C'est vrai qu'il était intéressant. Après, je ne sais pas pourquoi on ne joue plus avec deux attaquants. Il y avait Cornier. Non, je déconne. on peut parler de Cornier, on a failli l'oublier. Mais... C'était peut-être le but. C'est-à-dire que Cornier se fasse oublier dans la défense cannaise et marre. Il a failli, mais... Ouais. Bah, Cornier, c'est un peu toujours, ça reste cette énigme. Alors, on sait que Kittel est l'anti-Cornier primaire de base, qui déteste ce joueur que tu considères perdu pour le football. Mais non, ça c'était Endur. Hein, donc, je suis vraiment désolé pour les fans de Endur. Donc, je fais partie. Oui, Cacho est le président du fan club. Mais alors, pour le coup, hein, les centres d'aujourd'hui me faisaient regretter Endur. Hein, la limite du Zonzlo, là. Ouais, mais Zonzlo passe décisif pour Dounyama. Hein. De la tête. C'est Zonzlo, hein. Non. C'était Zonzlo contre Boulogne. Non, c'était Marester. C'était Marester. Ouais, bon, c'est un peu les mêmes. Voilà, c'est la même époque. C'est la grande. Même époque, même profil. Voilà. Non, mais Cornier, bon. Ouais, c'était la recrue un peu, enfin pas phare, hein, c'est un peu vite dit, mais c'était le plus beau. Le bon coup, ouais. Pédigré de la saison dernière. Et là, en fait, avec Martin, mais Cornier, effectivement, il a fait 4 matchs corrects depuis qu'il est arrivé. Et c'est beaucoup trop peu. C'est son physique. Hein. Parce que finalement, le ballon, il est pas embêté, hein, mais c'est le physique qui suit plus. Oui, donc ça fait qu'il est transparent en général. Ou... Ouais. Enfin, sauf quelques rares coups d'éclat, mais c'est vrai. Ouais, il a eu des fulgurances, comme le but. À Dijon l'année dernière, où il fait passe décisive, ou il fait une passe décisive à Toulouse aussi pour Blaya. Bah d'ailleurs, super de dit, il faudra sûrement le titulariser face à Saint-Etienne et Dijon. Hein, c'est évidemment, parce qu'il avait dans son jardin de Gaston Gérard. Il avait l'esprit de revanche et tout ça. Mais... Ah, cette année, il marque contre Amiens, je crois, de la tête. Ouais, mais c'est son seul vrai match. Son premier but, quoi. C'est toujours bien de marquer contre Amiens. Toujours bien de marquer contre Amiens, c'est sûr. Donc bon, on l'a retesté, mais bon, je pense que l'expérience va peut-être pas être rééditée de sitôt. Quoi. Peut-être pas contre Lille au prochain match. Donc voilà, bon, on a fait un peu le tour de Caen, hein, c'était effectivement pas génial. Par contre, ce qui était génial, c'était le mois de janvier du Racing. Oh. Rappelez-vous, le dernier Radio Schtoub, c'était émission spéciale 10 ans, l'orgie, des centaines de consultants. Inaudibles. Des ballons inaudibles. Pas du tout, et moi je ne l'ai pas écouté, mais on m'a dit que c'était vachement bien. C'était le lendemain du déplacement à Grenoble. Déplacement avorté à Grenoble. Mais derrière, on le sentait hein, que ce mois de janvier était prédit. C'était prédit. Bah, c'est contraire à toutes les traditions du Racing, hein, parce que habituellement, le mois de janvier, c'est un mois de crise. C'est catastrophe. Hein. Bah, l'année dernière, c'était vraiment catastrophique. Ouais. Et là, cette année, on brise un peu les traditions, mais jusqu'au bout, on gagne notamment à Monaco. Alors, on peut aussi tout de suite, on va faire dans le désordre le quintet, mais cette victoire à Monaco, historique. Jamais vu. En plus, avec la manière, c'est le genre de match où on se dit tout réussit au Racing sur ce match-là. Et notamment à Ludovic Ayorché, l'attaquant réunionnais, le phare d'Alexandrie. Le Denis Bergkamp réunionnais. Voilà, enfin, sur ce match, il a été époustouflant, tout lui a réussi. Je crois qu'il a 9 dans l'équipe. C'est possible, il est dans l'équipe type. Alors bon, Monaco, c'est vrai que... Non, mais le All-Star Team de Ligue 1. Ouais. Monaco n'était pas flamboyant, mais là, on a découvert ailleurs, qu'on avait entrevu, et là, il s'est de nouveau révélé qu'il... Bah, dès son retour de blessure, finalement, il était titularisé. Au début, on se posait un peu la question de savoir pourquoi Loré ne mettait pas plutôt Motiba ou Ada Costa. Finalement, c'est vraiment ce match de Monaco qu'on a compris. Hein. Enfin, la comparaison avec Denis Bergkamp, c'est presque justifié. Il est bien meilleur de la tête que Denis Bergkamp. Hein, franchement, faut arrêter hein, Denis Bergkamp. Hein. Il ne marque pas. Ah, quand même, peut se calmer. Mais... contre Denis Bergkamp. Vous savez la différence entre Denis Bergkamp et Emiliano Sala. Voilà. Réponse à la prochaine montage. Voilà. Mais non, mais ailleurs. C'est un truc avec un avion. Ça. Voilà, donc. Non, mais sur ce match, quand Monaco revient à 2-1, sur un vieux but Falcao, qui est d'ailleurs la copie de celui que le mec de Angers va marquer, un vieux tir de merde qui rentre, qui roule, et ça tombe dedans. À 2-1, on n'est pas serein. Non, on n'est pas serein, non. Parce qu'on se dit, putain, on les remet dans le coup, ils frappent le poteau peu de temps avant. Mais c'était à 10, hein. Ils étaient à 10 en plus. Mais ils sont grâce à York, qui est aussi dans le coup de ça. Qui est aussi dans le coup, qui est dans tous les bons coups. Et bon, finalement, on tient parce que, bon, on se rend compte aussi que Monaco, ils étaient à la rue. Ils n'avaient pas d'entraîneur, ils étaient totalement perdus. N'empêche que jusqu'à 3-1, effectivement, hein, on n'est pas dedans. Hein. Alors, que le 5-1 est sévère, il n'y a qu'un pas. Mais franchement, jusqu'à 3-1, on n'est pas serein. Avec un super but, quand même. Avec un super but de Sissoko, but qu'on oublie, hein, finalement. Mmh. Mais finalement, même, il y a une... c'est Thomasson hein, qui met une tête à l'extérieur de la surface. Oui, c'est celle de 1. Entre ce but-là, celui de Ayork, celui de Sissoko. Et Fofana, premier but. Et Fofana, je veux dire, le premier but. Et même ailleurs que la première tête, le premier but. Ah ouais. Enfin, centre, la galette. Moi qui étais dans le parcage, tu mets facile 2-3 secondes à voir qu'elle est bien rentrée hein, là-bas. Là. Tu vérifies si le drapeau n'est pas levé. Ouais. Mais non, c'est une super victoire. Hein. C'était quand la dernière fois qu'on a vu le Racing mettre 5 buts en Ligue 1 à l'extérieur? J'ai plus chiffre en tête. Ouais. Ça, je crois. Ah, mais c'était déjà tellement exceptionnel de battre Monaco à Monaco. Bah dans ce stade Louis II, c'était la première fois en championnat. Dans le Louis II en siège jaune. Ouais. En championnat. Première fois en championnat. Ouais. Parce qu'en Coupe de la Ligue, encore que c'était en prolongation. Mais grâce à Diego Hector Garay. Son meilleur match, son match référence. Le match référence. Le match qui l'a fait rentrer dans la légende du Racing Club de Strasbourg. Mais... voilà. L'ambiance, c'était comment à Louis II? Alors l'ambiance à Louis II... un peu moins bien qu'à Dijon. Non, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y avait une discussion houleuse entre les joueurs et supporters. On avait l'impression qu'il y avait plus à la télé. On avait l'impression qu'il y avait plus de joueurs que de supporters de Monaco, en fait. Ouais, il y avait 65 joueurs sous contrat. Ils étaient tous venus. Ouais. Voilà, donc ça, Monaco, oui, c'était un peu l'explosion. Le Racing a éclaboussé la première division de son talent. Et encore, ça suivait une victoire à Toulouse qui n'était pas non plus... qui était pas mal. Qui n'était pas attendue non plus, vraiment. Enfin, même si on savait que Toulouse était l'équipe un peu qui traîne sa misère depuis 15 ans en championnat, avec de temps à autre un bon joueur comme Gradel. Bah, ils ont que Gradel en fait. Hein. Ouais, c'est le Gradel Football Club. Bah, disons, ce qu'on savait pas par contre, c'est cette proportion du Racing à réussir cette saison à pas relancer les équipes qui vont pas bien. Chose qu'ils faisaient fréquemment, qu'on soit en Ligue 1, Ligue 2, National et même CFA. Oui, c'est vrai que c'était une tradition. Ça, c'est vrai que c'était une tradition qu'on a un peu perdue cette année. Hein. Du coup, effectivement, moi je reconnaissais pas trop mon Racing. Et Toulouse, c'était pas évident non plus. Hein. Il y a eu ce pénalty à la con. Ça fait 1-1, je crois, sur le pénalty. Ils égalisaient assez rapidement après, 2 minutes après. Avec une VAR interminable. Je sais qui le joueur, c'est Gradel qui... Tu sais même pas quelle faute est jugée, parce qu'il y en avait 2 sur l'action, effectivement. Le joueur qui veut absolument tirer le pénalty, alors que... Qu'il a été sorti parce qu'il était blessé. Il était soi-disant blessé. Il était blessé à mort. Donc, rappelons que la VAR, c'est de la merde. Voilà, et bien sûr, tout à fait. Ça, Radio Stubb a toujours été unanime... sur ça, mais derrière ouais, on retrouve les ressources pour ne pas relancer Toulouse et pour s'imposer quand même au bout du bout, avec un but de Sissoko encore une fois. Sissoko aussi qui peut-être passe un peu inaperçu derrière derrière Ayork, parce que c'est vrai qu'Ayork c'est vraiment le joueur du mois de janvier. Ayork. Ayorché. Ludovic, Ludo. Mais Sissoko, il a aussi été. Ludovic. Merci. C'est vrai qu'il a été très très bon. Il a été très bon au début. Après, c'était un peu. Mais on sent un énorme potentiel qui c'est pas encore constant sur tous les matchs. Mais il a eu aussi son petit article, je crois, c'était dans l'équipe ou dans France Foot. Oui, il y a pas longtemps. En tant que joueur de la sélection espoir. Ouais, voilà. C'était intéressant. Il creusait effectivement le bon coup du Racing d'être allé le chercher. Je crois que c'était face au match. C'était avant le match contre Angers, parce que Angers en fait avait été intéressé. Oui, c'est ça. Mais avait été rebuté par le coup. Non, pas. Et surtout parce que le Racing avait pris les devants bien avant. Enfin, Loïc Désiré le contactait déjà. Depuis qu'il est tout petit. Le Racing le suit depuis les U19 de Brest, notamment. Ouais. Et elle avait contacté au mois de janvier, mars. Voilà. Janvier, février. Et il y a la qualité de la cellule de recrutement. Loïc Désiré, qu'on encense toujours à Radio Shoot depuis 14 a fait ce article mythique. Même avant. Et il y a aussi, là, il faut reconnaître à Marc Keller d'avoir un peu lâché du pognon sur un joueur qui est encore relativement jeune, qui joue à Brest. On a lâché une somme quand même conséquente pour le sécuriser, l'avoir. C'était 2 millions d'euros. Hein. C'est pas rien. Oui. Mais finalement. C'est un joueur qu'on connaissait peu parce qu'il n'avait pas fait vraiment de saison complète. Il avait des blessures. Il y a beaucoup de cartons aussi, je crois. Ouais, cartons et blessures qui le freinait un petit peu, mais là, ouais, en voyant sa taille, et quand même, il est assez mobile. Disons, c'est pas un Alou Diarra, rond central et tout ça, je dépasse latéral. Il arrive quand même à porter le ballon, et bon, il y a sûr qu'il y a des fois où il est encore un peu, je dirais pas brouillon, mais il manque un petit peu de. Ou alors, à chaque fois, il tente, enfin, ça fait trois fois qu'il tente d'obtenir un pénalty. À chaque fois, il se fait, il récolte un carton. Alors c'est vrai qu'il y a eu, même si des fois c'était peut-être justifié. Il est tellement énorme. On critique pas les arbitres devant la tort. L'arbitre a toujours raison. L'arbitre a toujours raison, bien sûr. Même quand il a tort. Mais il a pas encore. Sissoko, fait quand même oublier Aoul ou. Qui ça? Sissoko. Non, mais. Il fait en place. Jean-Eude. Merci. Voilà, alors ce mois de janvier, c'est aussi la Coupe de la Ligue. C'est ça l'objectif de la saison. Voilà, c'était pas vraiment l'objectif, puisqu'il y avait. Parce que quand on bat Bordeaux, on se qualifie à Marseille en décembre, et deux minutes après, il y a je sais plus qui est au tirage au sort sur la 3. Émilie Tranguyen. Non, pas encore, non, pour Lyon. Ah, pour Lyon, pardon. Je me rappelle plus qui était à l'œuvre. Et donc, ouais, tu gagnes à Marseille. Et heureux. Une demi-heure après, le prochain match c'est à Lyon. Ah, Lyon annoncé la Coupe de la Ligue comme objectif principal de la décennie de l'OM même. Ah, tu te dis, c'est mort quoi, tu te fais chier à battre Marseille et tu te retrouves à Lyon début janvier en plein milieu d'un calendrier fou. Donc c'est pas possible. Pas d'histoire. Hein, Coupe de la Ligue d'émission. Pas de deux places par abonné. Là je pense qu'à ce moment-là, personne n'avait encore pris sa place pour la finale. Et il y a ce match à Lyon, complètement fou, encore une fois à York. Et Bingourou. Aussi. Quel homme. Et puis Lyon. Et le numéro 5, Lamine. Ouais, pénalty. Enfin, il y a eu un 5 minutes avant la mi-temps, où Lyon il tape deux fois le poteau, il y a Fekir qui tire un pénalty au-dessus. Bingourou. Déstabilisé par Bingourou. Il y a un moment où on se dit, Lyon, ça c'est pas fait pour eux, quoi. Là, à ce moment-là, c'est vrai que ça semble. Même, je crois que même les commentateurs. Il y avait d'ailleurs un très bon. J'avais marqué sur le Shtoub, un très bon commentaire de Sinégovou, impartial, intéressant. Ouais. Et effectivement, là, on se dit. Les commentateurs l'ont dit. Lyon, ils passent à côté du match. Quand tu rates trop de choses, ça tourne généralement mal. Et puis après, il y a en début de deuxième mi-temps, il y a égalisation de Lyon, hein, que moi, je n'ai pas vu parce que je regardais la fin du match de la SIG, qui a perdu, hein, forcément, c'est la SIG. Et contre, je ne sais plus qui, c'est Beşiktaş, je crois. Ça devait être Beşiktaş. Et du coup, j'arrive et j'ai 1-1. On se dit, on menait 1-0 jusqu'à la mi-temps, mais on a craqué tout de suite. Ça va être le Lyon va dérouler, on va sombrer comme au premier match de première division. Deux minutes après, on marque et après, on tient. Et on tient jusqu'au bout, Binguru, les gens. Mais il y a quand même une certaine progression, hein, parce que ça, c'est des matchs qu'on perdait, hein, que ce soit là, que ce soit à Marseille. Alors effectivement, on a un peu de chance, on a Fekir qui l'a foutu dessus. Mais ça, c'est à Marseille, il y a aussi le but CSC de Cornier annulé. Ouais, puis le pénalty de Payet qui est raté. Mais non, qui est arrêté. Qui est arrêté, pardon. Enfin, Payet Gordon ne transforme Binguru pas. Box, Mais mine de rien, on progresse. En début de saison, c'est des matchs qu'on perdait. Donc, même l'an dernier, oui. Mais même l'an dernier, effectivement. Et même en février. Ouais. Même il y a 10 ans, quand on était en première division. Ouais. Alors, il faut remonter à 79 hein, pour voir les matchs. Là, on gagnait. Hein. Haut la main. Et du coup, on se qualifie face à Lyon. Dans la foulée, on apprend que le Paris Saint-Germain, ou ce qu'il en reste, terrassé par Guingamp en termes d'un match. Le lendemain, 3 pénalties en une demi-heure. Voilà. Et donc, du coup, cette Coupe de la Ligue qui passe d'une coupe à la con où tu te fais sortir par le PSG en finale. De toute façon, c'est, l'objectif c'était de se faire démonter par le PSG en finale à Lille. Mais si on pouvait avoir un peu une billetterie avant, c'était bien et tout ça pour les finances. Donc, voilà. N'oublions pas le point marqué là. Ah, le point marqué là, c'était uniquement pour le pognon. Et là, du coup, cette coupe devient ouverte. Et donc, ça devient la folie. Mais alors, à ce moment-là, on devient même le favori de la Coupe de la Ligue. Parce que. Parce qu'on est le mieux classé. Ah, ouais, le lendemain de. Il reste Bordeaux, de Monaco, qualifications. Et ouais, c'est ça, on est 7ème, on est le mieux classé des 4. Et on se retrouve à regarder tout le sport, parce que avec le tirage au sort. Tout et là, le sport qu'on a plus vu depuis 20 ans. C'est là qu'il y a Émilie Tran Nguyen. Qui nous fait regretter l'Indochine. Et qui. Eh, on dit pas de mal d'Émilie, là. Mais c'est pas du mal, hein. Le temps joyeux des colonies, comme chantait Michel Sardou. Et elle tire. Elle tire super bien la Elle tire d'abord Guingamp Monaco. Donc d'abord, là, elle chauffe la boule. Là, on sait qu'on joue Bordeaux. Et puis après, on prie tous pour que Strasbourg tombe. Voilà, en premier. Le bon tirage, c'était de jouer à la Méno, qu'importe l'adversaire. Voilà. Parce qu'on savait qu'à la Méno, nous sommes invincibles. Comme le dit Jean-Luc Cuisère. On n'est pas 11, mais des milliers. On s'est tous levés de notre canapé quand on a vu que c'était d'abord Strasbourg. Et donc, du coup, ce match face à Bordeaux. Donc, un double match. Double Bordeaux. Confrontation. Et là, on se dit, déjà, jouer deux fois de suite à domicile, deux fois la même équipe, ça, le Racing, jamais ils ont gagné. Jamais. Les lois statistiques. Mais comme dit, cette année, c'est un autre Racing. C'est plus le même Racing. Ouais, donc, heureusement qu'il y a quand cet après-midi. Voilà, pour revenir sur Terre. Voilà. Il y a ce premier match de championnat qui n'est pas franchement folichon. Qui est dégueulasse. Voilà, mais il y a Kenny Lala qui déconnecte. Il oublie qu'il joue au Racing dans les dernières minutes du match. Et il met 3 millions plus dans la valeur, dans sa valeur. Dans la valise RT. Voilà. Non, il fait, alors, magnifique. Hein, genre un peu, c'est le genre de but que généralement le Racing prend. Mm. Hein, genre on balance au petit bonheur à la chance, un mec se trouve et là le gars le but est ouvert, qu'est-ce qu'il va faire, il va tirer au-dessus, et non. Magnifique reprise de demi-volée, le geste parfait, parce que le mec de Bordeaux se fait lober alors que la balle rebondit, mais c'est un peu, enfin c'est sur la bonne lignée du Racing, là on est quand même un mois ou deux les planètes sont plus qu'alignées, hein, finalement. On est dans Et donc bah là, victoire en championnat, déjà, on est content. Oui. Hein, avant ce match, il y a la marche pour les 100 ans du cortège du non-racisme. Voilà, organisé par la fédération du Racing Club des supporters de Philippe Wolff. Hein, Philippe Wolff suivez Philippe Wolff sur Twitter, hein, qui nous régale de petites anecdotes et de vidéos et de photos de Thierry Loret quand il était jeune. Ça c'est génial, c'est mon petit plaisir. Ouais, quand il trouve les buts de Thierry Loret, voir où Thierry Loret en panini avec c'est magnifique. Sa coupe de cheveux à la Guigasse. Hein. Oui, exactement. Ouais, un mélange entre moi et Balavoine. Ça donne Thierry Loret. Et toujours de tragédie aérienne. Voilà, oui, on continue sur le thème. C'est le stage. Et donc, du coup, oui, la Fédé qui célèbre les 100 ans du non-racing club de Strasbourg, c'était super cool parce que déjà, ça, c'est aussi quelque chose, on a senti un engouement populaire. Il y avait, on va dire, 500 personnes qui ont rejoint le stade de la Méno ensemble au son des tambours et des fumigènes. Et en s'arrêtant au feu rouge. Tout ça, convivialité, tolérance. L'Alsacien. Voilà, tout marche bien. Mieux qu'une manif des gilets jaunes. Et donc victoire. Et on se dit après putain on rejoue. Alors on dit putain parce que on est vulgaire à Radio Foot. Et on joue Bordeaux mercredi. Là on vient de les voler. Ça c'est pas possible. Ouais, en plus au premier match ils mettent pas brillant, ils mettent pas sans carré. Enfin chaque entraîneur tentait un petit peu de garder des cartes secrètes dans sa manche. Mais c'est un but important parce que c'est un but qui nous offre quasiment le maintien. puisque derrière tout le monde perdait. Et puis on arrivait à cette fameuse barre des 35 points. On arrivait à cette fameuse barre des 35 points. Qu'on a passé grâce à ce nul à Caen, 36 points pour le Racing. Voilà. Et donc du coup le mercredi, on se retrouve avec un horaire un peu à la con. Et Bordeaux qui a un autre maillot parce qu'ils étaient en blanc. Oui. Avec un petit peu de façon. Et là, ils ont fait le maillot Panzani, maillot un peu récent. Ouais, plutôt le maillot Grenat. Non, mais Grenat, il y a 20 ans, ouais, il y avait Zidane, ouais, le Panzani. Ouais. Invoquer l'esprit de Zinedine Zidane. L'esprit afflelou. Match contre le Bayern et tout ça. Voilà. Et puis, ça commence par. On fait une première mi-temps qui n'est pas si mauvaise, mais c'est Bordeaux qui mène. Alors, on fait 10 premières minutes, mais du très très haut niveau. Ouais. Hein. Franchement, on les bouffe. On a 3-4 presque vraies occasions dans la surface. Ouais. On n'est pas en réussite. Et on doit avoir 80% de possession de balle sur les 10 premières minutes. Enfin, on les étouffe. Mais on prend un vieux but. Sans corps et marque. Alors, un but quand même moins joli que celui de l'an dernier où il y avait eu erreur de Mangan qui est gris, qui avait dégagé sur Sans carré. Ouais. Donc bon, Sankaré qui effectivement profite d'une boulette de Camara. Non, est-ce que c'est... il se fait charger. Voilà, est-ce que c'est une boulette? C'est une mauvaise relance. Camara qui est très clair. Il n'est pas tout à fait innocent, on va dire. Il n'est pas très clair, Camara. Il n'est pas innocent. Mais sans Camara, on n'aurait pas joué ce match-là. Voilà, pas touché à Bingo. On dira ça. Mais effectivement, un scénario un peu catastrophe. Parce qu'alors après ce 1-0, Bordeaux a quand même 2-3 possibilités. Sans avoir des occasions, hein, mais ils ont des possibilités pour mettre le deuxième. Et le Racing est totalement dans le trou. Et le deuxième, le Racing n'est pas bien. Et là, il y a tout le monde qui a acheté son billet pour la finale. Il est en train de revendre. Il y a un Stubis qui a avoué qu'il était en train de se demander comment il allait revendre son billet pour la finale. Mais c'est quand même le scénario catastrophe. Hein, parce qu'effectivement, il y a 10 minutes où on archi-domine Bordeaux. On se dit qu'on va finir à 3-4-0. Et puis, boum, on prend un but. Et derrière, c'est quand même le néant. Je crois qu'on a eu une occasion en fin de première mi-temps, mais quelque chose d'un peu obscur. Non, c'était catastrophique, la fin de première mi-temps. Déjà, sonné, KO, KO de le match de championnat de Bordeaux, c'était pas bon. Et là, c'était un peu le... Bon, on n'a pas parlé de la blessure de Martin avant ces matchs. On peut en parler. C'est vrai que c'est un événement. Qui manquait, alors qu'il était vraiment le dynamiteur de l'équipe, blessé à Monaco. Et donc, c'était l'âme de l'équipe même. Le guerrier. Le métronome. Il y avait... qui s'embrouillait sur chaque balle, il s'occupait de tout. Et là, c'était la première fois qu'on se disait merde, Martin est pas là. Puis en plus, Bordeaux, c'est l'équipe un peu à la con, quoi. C'est l'équipe typique de Ligue 1, quoi. C'est solide alors que c'est pas du tout brillant. Donc c'est Jimmy Briand. Voilà. Alors il faut peut-être expliquer aussi aux gens, là, comme moi, qui est vraiment le coach de Bordeaux. Parce que c'est un peu le bordel. Moi, je comprends. On dit oui, c'est Ricardo, mais après, il y a une espèce de mec qui est tout. C'est Eric Bédoué qui signe la feuille de match. Officiellement. Ouais, voilà. C'est lui qui a le droit d'être debout. Parce que Ricardo, il n'a pas de vraie fonction. Parce qu'il n'a pas de diplôme. Et... Donc, il reste assis. Bon. Donc, c'est un peu le tandem Gilbert Grèce-Pascal Janin, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Mais plus que sur un match. Ou deux matchs officiels. Mais dans les faits, c'est Ricardo. Parce que sinon, pourquoi il l'aurait fait venir, quoi? Mais je sais pas, justement. Mais parce qu'ils sont cons, à la Courbis. Ouais, bon. Ricardo est consultant à la Corbis. Il va faire son émission de radio prochainement. Coach Ricardo. Et alors du coup... La deuxième mi-temps, là... Feu d'artifice. Peut-être un des meilleures séquences du Racing. Un quart d'heure de folie. Parce qu'on a de la chance d'égaliser très vite. Hein. Je crois qu'on égalise à la 49e. Ouais, quand on égalise d'entrée de deuxième mi-temps. Avec le Denis Bergkamp prémunier, toujours. Face au COP. Je pense que ça joue beaucoup, mine de rien. Je veux dire, même si on a gagné beaucoup de matchs quand on jouait la première mi-temps face au Cup, d'ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un se fait chier à faire des statistiques. On veut le faire avec notre team. Parce que moi, j'ai l'impression que quand Mitrovic perd le toss et qu'on se retrouve du mauvais côté, ça ne va pas. Moi, j'ai souvenir d'il y a 2 ans, on bat Tours à la Méno. Un match en retard, En février, on joue la première mi-temps. Avec Bingourou Camara dans le but de Tours. Avec Bingourou Camara. On perd 2-0. On perd 2-0. On perd 1-0. Je crois qu'on perd 1-0 et 2-1. Et puis on finit par gagner 4-2. En attaquant côté tribune attaque. Ouais. Route de Colmar. Oui, alors là, magnifique. Et bon, notre Denis Bergkamp réunionnais. Alors là, encore une fois, la grande classe. Il est sur tous les bons coups. Tout lui réussit. C'était impressionnant. Et j'ai bien aimé. Il y avait Lala aussi. Voilà, mais il y avait tout le monde. Motiba, Ajorc dans les 3 buts. Ouais. Voilà. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réaction de Ajorc sur sa remise de la tête pour Motiba. On a l'impression que c'est lui qui a marqué. Il explose de joie comme s'il avait marqué. Vraiment, on sent le mec qui est à fond, qui je marque pas, il participe au jeu. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et puis Bordeaux forcément est à terre. Alors ça c'est aussi magnifique. Une troisième défaite de Bordeaux face au Racing cette année. Hein, on sait qu'on n'aime pas les Bordelais. Les anciens sont contents. Voilà. Et puis les Bordelais ils sont laids. Et puis en plus ils ont été rachetés par un Américain. Et Gaëtan Huard bouffe ton rat. Voilà, bouffe ton rat. Ça aurait été une bonne banderole ça. Voilà. Et donc et du coup derrière là, alors là à ce moment-là moi de ce qu'on m'a raconté là, la billetterie en ligne. De la ligue sans flash chauffé. Moi j'ai entendu 7000 suite à l'égalisation et jusqu'à la fin du match, il y a 7000 connexions pour acheter des billets. Et encore mieux, même la billetterie du Racing qui ne vendait pas de billets forcément a sauté après le match. Alors, les gens voulaient tout de suite prendre le billet. Il y avait ça aussi après Lyon. Des gens se sont dit, je prends le billet pour Bordeaux maintenant. Ouais. Et ils ont pris pour le match de championnat. Ah oui, il y avait une annonce sur le Stoub, un mec qui voulait vendre ça. Mais effectivement, oui, après c'était la folie. Hein. Oui, l'effet final. Le club a quand même fait un communiqué pour dire qu'il communiquerait. Oui, mais ils se sont fait harceler toute la journée. J'imagine qu'effectivement, ça a dû être. Ouais, Arnaud Zimanski sur Twitter était harcelé. Ouais, il a porté plainte pour. Et oui, alors tout le monde va. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, comme le truc qu'il ne faut surtout pas dire, effectivement, Radio Stoub, on s'en fout, on le dit. On ne sait toujours pas, ce dimanche 17 février, on ne sait toujours pas vraiment comment qui aura des billets. Le Racing a communiqué cette fois-ci pour vraiment dire il y aura deux billets par compte. Ouais. Mais c'est un compte sur lequel on va une fois par an, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Ah, t'as pas des e-billets. Des e-billets. Ceux qui ont des e-billets, je parle français. Hein, mais voilà. Racing Stoub est en Alsace. Bah, voilà, Mario, hein. Quand tu as des e-billets, effectivement, tu dois y aller régulièrement. Tu vas souvent, sur ton. Alors moi, j'avoue que chaque fois que je dois racheter un billet de coupe, je ne sais pas quel est mon login, quel est mon mot de passe, comment on se connecte sur ce site à la con. Mais bon, du coup, je pense. Donc maintenant, la date est arrêtée, ça sera le 28 février. 28 février à 18h, je crois. À 18h, la Troisième Guerre mondiale va commencer, parce que tout le monde voudra des billets. Il n'en restera que 12 000. On aurait mieux fait de jouer au Camp Nou. Ouais, enfin, ou même pas 12 000, hein, parce que si on en déduit les partenaires, les associations, Voilà, je suis pas certain que les partenaires soient dans le camp ou du côté strasbourgeois. Bah, c'est les seuls billets que le Racing gère. Hein. En fait, le Racing n'a pas eu d'autres billets, ouais, ça c'est. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Donc, du coup, les partenaires sont en bas du COP avec Chonchon et dans son champ. Hein. Voilà. Pierre Schmitt, Pierre Méga. Méga Merguez pour tout le monde. Filzer sera là. Alors oui, moi, malheureusement, oui. Ah bah, c'est une très bonne nouvelle, alors. On n'a jamais perdu à Lille avec Jean-Luc Filzer. Comme ça, quand on gagnera la coupe, il gâchera le souvenir. Voilà. Mais j'espère qu'il rechantera « On est en Ligue hein. ». On est en Europe, on est en Europe. Ce jour m'arrache. Merci. Voilà. Bon, en tout cas, ça risque d'être une grande fête du football. En tout cas, football alsacien. Ah, sûrement. La Ligue, la LFP se félicite de ce succès international. Mis à part les deux quotas de billets réservés aux deux clubs, le reste du stade est déjà guichet fermé. Hein. C'est la première fois depuis 25 ans. Mais blague à part, c'est dommage de ne pas avoir joué au Stade de France, presque, finalement. Je pense qu'on aurait. La Ligue aurait pu vendre 20 000 billets de plus. Parce qu'apparemment, l'an prochain, c'est au Stade de France, la finale. Ouais, mais bon, on pourra faire le doublé. Hein. La doublé. En fait, les précédents finales de Coupe de la Ligue au Stade de France, ils faisaient jamais le plein. Oui, il y avait ça faisait 5 ans que la finale n'avait pas fait le plein. Ouais. C'est pour ça qu'ils avaient décidé de délocaliser. Bordeaux, dans 40 000 personnes, mais on n'a pas entendu qu'il y ait eu des problèmes de billetterie à ce match-là. Pas se mentir. Hein. Pourtant, c'est final, Monaco est toujours en finale, quoi. Et effectivement, le PSG, quoi, ça fait. Au bout d'un moment, ça les fait plus vraiment rêver, hein, les mecs. Hein. Donc, nous, ça nous fait pas non plus rêver. Nous, ça nous fait rêver. Bah, ça fait rêver, malheureusement. Ça fait rêver. Maintenant, l'an prochain, quand on sera en finale d'Europa League, effectivement. Oui, d'accord. De Coupe de la Ligue. Voilà. Après, la Coupe de la Ligue, ça reste de la merde, même si on est en finale. Bien sûr, tout à fait. C'est un coquetier doré, mais il est rempli. Le seul intérêt, c'est d'être en Coupe d'Europe. Voilà, c'est intéressant. Bah, d'être en tour préliminaire de la Coupe d'Europe. Hein, parce c'est ça. Qui commence fin juillet. Deuxième course. Les vacances en juillet. On va laisser peut-être notre spécialiste de football de l'Est et de d'Europe. Alors si nous gagnons face à Guingamp, hein, ou même si on perd mais qu'on est quand même qualifié parce que genre on envahit le terrain, on brûle les joueurs. Et voilà. Donc le Racing se qualifie grâce à la Coupe de la Ligue. Oui. Comment ça se passait? Qu'est-ce que je prends comme vacances? Au deuxième tour préliminaire. Alors l'an dernier, c'est comme c'est le PSG qui a gagné la Coupe de la Ligue, c'est le Bordeaux via le championnat qui a récupéré la place de cette Coupe d'Europe, donc ils sont rentrés au deuxième tour préliminaire. Ils ont joué à Ventspils, donc en Lettonie, ouais, mythique. Il y a de la Pils. En deuxième, au fin juillet, donc c'était 28-21 juillet dans ces eaux-là. C'était un des premiers matchs sur RMC Sport. C'est ça, ouais. Ensuite, ils se sont qualifiés. Troisième tour, ils ont joué à Mariupol, en Ukraine. Donc, c'est une belle destination. Toujours bien de se déplacer dans les pays en guerre. Pas trop loin de la guerre. Et ensuite, ils avaient le tour de barrage. Donc, ils ont joué contre Gent. Gent, ouais. Ouais. Pas confondre avec Genk. Comme nous, on avait joué à Gent. On a joué la Coupe d'Europe en début de saison, voilà. En fait, à Gent. On a chanté ce soir sa Coupe d'Europe à Gent. Voilà. Donc, du coup, concrètement, je résume, il nous faudrait 3 matchs pour accéder aux phases de poule de l'Europe. 3 fois 2 matchs, oui. Oui, 3 confrontations avant d'aller en phase de poule. Donc, du coup, c'est quand même. Ouais, ça compte quand même presque pour de la vraie Coupe d'Europe. Oui, non, mais on sera content d'y aller. Ça déjà passé 15 ans qu'on n'a pas joué l'Europe, effectivement, même un vieux tour préliminaire de Luxembourg. À l'époque, alors. Même contre Basel. On prend. Ouais, voilà. Si on pouvait ne pas jouer le Bâle, ça serait quand même bien. Bâle Stuttgart. Quand on avait joué le Standard de Liège, oui. C'était un tour préliminaire. C'était le barrage. C'était déjà le barrage. Non, c'était les 32e. Non, c'était le barrage avant la phase de groupe. Mais il n'y avait pas de phase de groupe à l'époque en 2002. De Coupe du UEFA ? Oui, mais je crois qu'il n'y en avait pas. Ah, c'était. Je vous laisse parler, alors, je vais vérifier. Mais en tout cas, voilà, donc préparez, attention. La dernière fois qu'on était. Non, quand on gagne la Coupe de France. En 2002-2003. 2001-2002, pardon. En 2001, d'ailleurs, on devait jouer. Une coupe intégrale, ouais. On devait jouer le 12 ou le 13 septembre. Le 12, ouais. Oui, parce que ça avait été reporté à cause de ce que vous savez. À cause d'un crash d'avion. Restons dans le thème. Et voilà. Mais donc, du coup, ça comptera pour la Coupe d'Europe. Non, t'as raison, effectivement. Tour préliminaire, premier tour, deuxième tour. Mais il n'y avait pas de poule. 16e, 8e, quart, demi-finale. Ouais, c'était un tour préliminaire, mais les poules n'existaient pas. Ça, c'était bien, ça. Une vraie coupe. Et c'était le Feyenoord qui l'avait gagné avec Van Nijonk, qui mettait ses coups francs contre Dortmund. Donc voilà. Donc bah du coup la finale on peut en parler tout de suite hein, vu qu'on est dessus. Bien sûr on a tous nos billets. Moi j'en ai personnellement 10 parce que j'ai 10 comptes. Et... voilà donc on en revendra des tickets de rationnement. Voilà, la finale forcément il y aura des déçus. On le savait dès la minute où le Racing a battu Bordeaux. On savait qu'il y aurait des déçus, que tout le monde n'aurait pas de place. Je pense que honnêtement s'il n'y avait pas de limitation, on aurait pu emmener 40 à 50 000 personnes à Lille. Mais au niveau de demande, c'est. Je pense qu'on aurait pu remplir le stade de Lille uniquement de supporters. Bien sûr, je pense. Ouais. D'ailleurs, on sera peut-être pas très très loin du compte. Hein, Il y aura un petit parcage guingampé et le reste. Voilà. C'est vrai qu'il y a un engouement fou parce que effectivement, c'est un peu la consécration de la résurrection du Racing. L'Odyssée, passé par Épinal, Belfort et tout ça. C'est un peu le fait de rejouer l'Europe. C'est un peu on est arrivé au bout du chemin, si c'est que le début. Hein. Et on redéposera le bilan juste après. Bien sûr. Ah, puisque Marc Keller aura le scandale de la fausse billetterie du stade de Lille. Stade de Lille à Mulhouse. Hein. Bien entendu. Non, mais ça reste quelque chose de magnifique. Hein. Là, tu te retrouves à jouer une finale devant... C'est quand même quelque chose qui était inespéré, puisqu'on expliquait quand même que jusqu'au moins en 2022, toutes les coupes et tous les championnats seraient pour le PSG. Là, on arrive à... Il y a joué cette finale, et en plus, il y a la possibilité de la gagner, puisqu'effectivement, Paris ne sera pas en finale. Ça, c'est ça qui rend ça un peu aussi magique. Si ça avait été une finale sans illusion sportive, il y aurait eu moins d'engouement, je pense. Donc, là, il y a peut-être que tu parles d'illusion, le mot est bien choisi, parce qu'il y a peut-être même l'illusion qu'on a déjà gagné. Puisque Guingamp est quand même l'équipe la plus mauvaise, hein, même si on a dit qu'elle jouait. Voilà, quand joue plus mal, mais gagne plus de matchs. Oui, mais gagne plus de matchs que Guingamp. Mais du coup, la finale n'est pas du tout gagnée. Hein, loin de là, surtout connaissant le Racing. Hein, est-ce que ça sera le Racing? Quel Racing va jouer cette finale? On ne sait pas. Enfin, là, si on perd contre Guingamp en finale, on brûle le stade. On brûle le stade, de quoi qu'il arrive. Et on peut repartir en CFA2. Hein. Faut repartir voir. Je pense qu'une défaite, ce serait quand même. Ouais, ce serait. Parce qu'en plus, ça serait quand même compliqué. Ce serait une défaite le 30 mars. Derrière, t'as encore deux mois de compétition. Un mois et demi, deux mois de compétition. Tu te relèves pas hein, de ça. Donc on finirait en roue libre. Et Guingamp nous passerait devant la dernière journée. C'est ça. Et tu tombes en Ligue 2. Voilà, donc. Mais bon, pour le moment, c'est toujours la fête. Donc, c'est un match. Hein. Le truc, c'est que c'est un match. C'est une finale. Un match où t'es possible. Guingamp, en finale, ça se gagne. A sorti Monaco, donc bon. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Voilà, le groupe vit bien, le plus important. C'est les trois points. Si Kenny Lala a pu aider l'équipe, c'est bien pour lui. Ouais, Non, mais l'important, plus que on le... dit les choses. Plus que le trophée en lui-même qui est moche, c'est vraiment le coquetier. C'est vraiment la Coupe d'Europe, quoi. Enfin, revenir en Coupe d'Europe, derrière, ça te booste quand même le club, parce que tu vas quand même chercher des joueurs. Tu penses vraiment que. Est-ce que vraiment. Moi, j'ai l'impression que la Coupe d'Europe, si je regarde un petit peu les clubs français qui font semblant de la jouer, c'est pas super. Enfin, en dehors de la Ligue des Champions, mais ça aide pas beaucoup. Même, je prends l'exemple même de la Ligue des Champions, Montpellier a réussi à accrocher avec des champions, on n'a pas senti que ça leur a fait passer un cap, même ils ont plus de mal à digérer. Parce que c'est des clubs mal gérés. Ils ont recruté Daniel Congrès. Depuis, il est toujours là. Mais... Après, tout dépend de l'objectif du club. Hein. On a Luc Désiré. Montpellier, tu sens que le club n'était pas non plus très ambitieux. Montpellier, il y avait leur centre de formation, il y avait leurs jeunes, et il fallait vite les vendre. Grâce à j'ai quand même le sentiment que le Racing, on cherche quand même à franchir des paliers depuis un petit moment. Hein. Donc je pense que c'est pas le même cas de figure qu'à Montpellier où c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bah, le business plan de Montpellier, le meilleur truc qui va arriver, c'est reprendre Thierry Loret le jour où il sera plus au Racing. C'est la consécration pour Montpellier. Parce que nous, c'est vrai que le Racing a un projet un peu plus large avec. Faire jouer des attaquants allemands. Avec le développement des infrastructures, quand même. Avec un stade de 50 000 places pour comme les années 80. Et surtout les toilettes. Et des toilettes, bien sûr, faire des toilettes aussi. Non, mais il y a quand même. C'est le développement des infrastructures, il y a quand même le développement de cette cellule de recrutement. Donc, c'est un club qui, est quand même, qui se développe un peu plus sérieusement. Centre de formation qui retourner de nouveau à plein régime. Parce que les 2004 qui arrivent, finalement, ils sont bientôt mûrs. Hein. Ah oui, bah ça, c'est la partie Vatican. Donc voilà, cette finale, c'est vrai que c'est un beau rendez-vous le 30 mars. Hein. Oui. L'objectif de faire un peu d'ambiance pour une fois dans ce stade très gris, très morne, toit fermé. Donc le toit sera fermé, ça c'est l'information. Ouais, on le sait déjà. La préfecture a décidé que le toit sera fermé. Merde. C'est information qui vient directement du club. Pour les 300 torches, ça va être compliqué. Voilà, c'est ça, c'est un peu. Et qu'est-ce que l'on peut dire d'autres trucs? Il n'y aura pas de fan zone en centre-ville. La ville de Lille ne veut pas faire de fan zone, ça on a le droit de le dire. On débrouillera. C'est-à-dire que laisser 60 000 Strasbourgeois et Guingampais faire ce qu'ils veulent plutôt que d'essayer d'organiser quelque chose. Bon, non, on va faire une terrasse zone tous ensemble sur la grande place de Lille. Hein. Chacun ramène sa chaise. Alors n'oubliez pas de ramener de la lessive bleue pour la fontaine de la grande place de Lille, comme nos amis irlandais ou gallois qui sont une grande spécialité. Non, mais ils avaient fait ça les Irlandais à Lille. Le colorant bleu, Moi, c'était vert forcément pour les Irlandais, mais le colorant bleu pour la. Pour c'est un truc, j'y penserai, je le note. On passera chez Mars à Gueno pour les M&M's. Voilà, donc ne rêvons pas trop à la finale parce que après ce mois de janvier. Mois de janvier, il faut encore qu'on parle du match de Coupe de France, parce que le Racing se qualifie à Grenoble. C'est intéressant déjà aussi parce que c'était une équipe très jeune à Grenoble, avec des qui ont fait le boulot. Oui, avec Kevin Zoey, le héros, idole de Radio Stube. Qui croque une grosse occasion juste avant la fin, donc grâce à lui je sais pas, on a 30 minutes supplémentaires, 30 minutes de bonheur, et puis là sur un déboulé, une passe décisive de grande classe de, j'ai nommé Abdallah Endou, bien sûr. Qui a ressuscité, pour le coup, fait un bon match à Grenoble, il fait un bon retour, malgré les gros rageux, il fait un super retour. Et donc Zoey qui marque, et puis voilà, on gagne 1-0. Après, j'ai aussi le sentiment que c'est un match. Je pense que si on l'avait perdu, ça aurait pas dérangé grand monde, sauf Marc Keller, parce qu'il y a la prime. Elle est pas très importante en Coupe de France, mais c'est pas. Mais ça fait toujours plaisir. Mais ça fait toujours plaisir. C'est plaisir d'être commenté encore sur France 3 par. Kader Boudaoud et Amidiara. Et surtout, ce match, enfin même les deux matchs, parce que ça a permis de voir certains jeunes. On a vu Duplex Chamba à Grenoble. Il est en fiche, maintenant il a son nom en vert. En vert sur la fiche. Donc le nouveau Bakary Koné, enfin le même profil. Donc si vous aviez peur quand vous voyez le ballon passer à côté de Bakary Koné, Duplex Chamba, c'est la même chose. Et également Mamoudou Karamoko. Oui, avec un nom assez rigolo. Beaucoup de gens ont découvert. et qui effectivement a beaucoup progressé avec la réserve et qui commence à pointer le bout de son nez, qui aura peut-être un contrat pro à la fin de l'année. Et peut-être dans 3 ans, son nom sur le maillot. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a ce match à Grenoble où on était satisfait de voir la jeune garde du Racing faire un bon match, hein, et avec des un peu brouillon, notamment l'image de Zenzemi qui réussit certaines choses, qui en rate complètement d'autres. Mmh. Mais c'était plutôt encourageant. Il y a la qualification un peu chanceuse au bout. C'était un peu quand même 50-50, on va dire, avec Grenoble. Oui, oui. Grenoble, pour le coup, a mis quasiment l'équipe type. Voilà. Et derrière, bon, on savait déjà qu'on allait au Parc des Princes. Hein, pour un match passionnant où vraiment le match de la saison, on va chercher le choc. Et Thierry Loret se démonte pas, il remet une équipe très jeune. Très jeune. Hormis Sels. Ouais, mais il met quand même Matt Sels au but. Et il a eu raison, je pense. Parce que sinon, on prenait plus cher. Ouais, je pense que c'est peut-être traumatisant. Alors que Sels, lui, il a le cuir solide. Il aurait pu mettre Kawashima. Ouais, mais alors, Kawashima. Il aurait pu mettre Kawashima, c'est vrai. Kawashima qui a fait une interview dans l'Alsace où il était un peu pas très très content de ne pas plus jouer. Non, il avait l'air de bien vivre. Je trouvais qu'il accusait un peu le coup, hein, quand même. Bah, il savait en venant ici. Hein. Enfin, il a fait un an à Strasbourg. Le staff lui a dit qu'il venait en tant que numéro 3 et qu'il jouerait jamais. Alors, est-ce que le projet était quand même de prêter Camara? Et voilà. Bah, le projet, c'est de placer des réseaux alsaciens au Japon. Donc, oui, ça, bon, après, la venue du gardien numéro 1 a mis quand même du temps. Hein. Celle-ci est arrivée assez tard. Ouais, fin juillet presque. Quasiment avant la reprise. Kawashima est arrivé après. Il est arrivé après, oui, mais le fait de prêter ou non Camara, si on avait eu un gardien, si on avait un gardien qui serait arrivé en suite, début juillet, on aurait pu le prêter. Mmh. Oui, ça a ralenti aussi. Bon. Donc il y a ce match un peu bon, défaite du Racing, mais pas un bon match avec les tripes. Ouais. Dommage qu'on prenne un buteau. Ouais. Parce que oui, ça flingue un peu le. On prend la cinquième comme ça sur une passe de Choupo-Moting. premier match de Grand Cyr aussi. On a un peu oublié qui finalement depuis son arrivée n'a pas fait grand chose. N'a pas trop percé. Oui. Voilà. Mais qui avait fait un match plutôt honorable au Parc. Oui, il y avait Grand Cyr, c'était lui. Et bon, on va quand même en parler un petit peu, il y a le Neymar Gate. C'est le seul point à retenir de ce match. Voilà, donc Neymar se blesse comme un con. Sur un mauvais appui. Et derrière, le Racing sort un petit peu de la communication policée pour dire que c'est de sa faute. Et de toute façon, s'il a peur de se blesser, rendez-vous dimanche matin à la buvette, l'ancienne Loret. Alors on est passé un peu du statut d'équipe chouchou de toute la France, l'ambiance, les joueurs qui se battent et tout ça, à le statut d'équipe de boucher qui casse les stars, qui aime pas le jeu technique et tout ça. Et qui ne sait pas jouer, du coup, qui utilise la violence, hein, l'anti-football en fait. C'est un peu ça, le symbole du football. Alors qu'il y a encore un match avant, on était le symbole du football. Ouais. Ouais. Donc beaucoup beaucoup de bruit pour rien, hein, puisque de toute façon Neymar voulait juste aller à l'anniversaire de sa sœur et fêter le sien en toute tranquillité, voilà, sans pression. Mais Thierry Loret n'est toujours pas passé en commission. Oui, ça a été il reporté. A eu un report, hein, oui. Il s'appelle le boxeur là, Christophe Bettinger, il n'a pas été jugé en comparution immédiate. Alors que Thierry Loret, lui, boxe avec les mots. Il boxe avec les mots, mais il a... Il n'est pas dans la même catégorie. Voilà, donc il a eu un... Et donc, forcément, Gonçalves aussi suit son coach, puisqu'ils sont tous les deux convoqués. Ah, c'était pour espérer jouer quelques matchs en plus. Hein. Je pense que la commission l'entendra. Ouais, je pense que tout le monde s'en foutra d'ici là. Bah, oui, c'est ça. Parce que le buzz est déjà passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu... Des mots très durs. Hein. Des mots très durs sur les deux. Ah non, moi je parle des commentaires des gens sur le Racing. Non, il y a le journaliste de Libération, le journaliste sportif Grégory Schneider qui avait écrit un article qui était. Qui n'est pas alsacien. Malheureusement pour lui. Il doit être lorrain, visiblement. Voilà. Avec un nom comme ça. Double malheureusement pour lui. Ou peut-être allemand. Hein. Je ne sais pas ce que faisait sa maman. Donc, il a écrit un article qui exposait un petit peu. Bah, d'un côté, effectivement, il y a le talent du PSG qui survole à des lieux le championnat de France. Et de l'autre côté, il y a les équipes qui n'ont pas envie de se poser en victime et qui jouent un peu tous les moyens, mais qui ne. ne sont pas spectateurs, qui voulaient vraiment... C'est vrai que les jeunes joueurs du Racing voulaient montrer qu'ils pouvaient jouer au Parc des Princes sans regarder jouer Neymar et compagnie. Et il s'est fait insulter. Il y a eu cette remarque sida journalistique qui, sur Twitter. J'ai vu un truc hallucinant. Et c'est vrai qu'il y a eu un déferlement contre le Racing. Schneider s'est fait insulter sur son papier. Sida journalistique sur Twitter. Pourtant, qui était très objectif. Qui était d'une rare justesse. Bah oui, oui. Bah... Enfin, je pense que si on regarde ça d'un point de vue neutre, voilà, on ne peut pas lui trouver... Enfin, oui, parce qu'il n'a jamais dit c'est normal de casser la jambe à Neymar. Ouais, non, mais... Il place, ah non, c'était violent. Il y a eu des... Après, je trouve que vu le match, on peut pas dire qu'il y a eu un contrat sur la tête de Neymar. Ah non, moi, j'ai pas trouvé que Strasbourg était ultra agressif sur Neymar. Ah. Ouais. Moi, nous étions au match. Moi, si j'avais pu lui balancer un gobelet sur la gueule, ah, j'aurais fait. Bah, ce mec est insupportable. Provoqué sur les corners. Ce mec est insupportable. Genre imbuvable de A à Z. Ouais. Et... C'est un. Mais ça reste un grand joueur, mais c'est un petit bonhomme. Moi, je suis pas un grand joueur. Hein. Mais finalement, les grands joueurs ont quelque chose en plus. Ce que disait Loré, c'est assez juste. Enfin, oui. Quand tu t'amuses à vouloir provoquer comme ça, quand tu joues technique, tu peux être dans l'évitement, tu peux éviter d'en rajouter. Alors, on va prendre des comparaisons, mais un mec comme Messi, il est peut-être au moins aussi technique que Neymar. C'est pas le mec qui va te provoquer, faire des coups du sombrero et des petits points, des trucs comme ça. Mais Neymar, il cherche l'humiliation. Neymar cherche l'humiliation. Exactement. Il cherche à humilier son adversaire. Après, il est pas et quand c'est comme ça, faut pas t'étonner derrière. Enfin, quand tu joues au foot. C'est ce que Loré a dit. Alors après, on peut toujours s'interroger sur est-ce que c'est pertinent que Loré sorte ça comme ça en conférence de presse. Il savait pas que Neymar était blessé à ce moment-là. Oui, ça, tout à fait. Oui, sinon, il serait lâché dans les vestiaires. Mais bon, après. Neymar, il joue aussi un jeu dangereux, quoi. Oui. Et puis encore une fois, ça, il le fait contre, il le fait pas contre tout le monde, hein, ce genre de jeu, quoi. Bah, il peut pas le faire en Ligue des Champions parce qu'il est toujours blessé à ce moment-là. Mmh. Enfin bon, voilà, ce qui est bien, c'est que ça nous a redonné un Racing que les gens n'aiment pas. Voilà, on a le bad boy. Voilà, une nuit dépensive sur les Allemands et tout ça. Un peu à la Meatball, nobody, no one like us, we don't care. Et donc voilà, bon, derrière le match est perdu, mais le Racing sort la tête haute tout de même, puisque tout le monde a fait le boulot, on n'a pas été ridicule avec une équipe B prime, parce que c'est vraiment une équipe qui si on l'alignait à la Meno ferait presque peur aux gens qui vont au match. Il y avait quand même, je revois la composition. Il y a Celso, il y a Martinez, il y a Carole. Qui est blessé, effectivement. Il y a Mitrovic et Martin suspendus. Il y a Yenar, il y a Da Costa, il y a Motiba. Enfin, il y avait Martinez en un stopper droit. On jouait à 4. Ouais, mais deux des défenseurs centraux gauchers. Il y avait Léon Valentin sur le banc. Ouais, voilà. Défenseur de la réserve. Léon, dont le frère s'appelle Lucien et l'autre, je sais pas quoi. Donc, ah oui, il y avait un article. C'est bonjour les prénoms des années 60. Des années 60. Enfin, même plus vieux. Voilà. Et donc, du coup, voilà, ça c'était un peu l'accro du. Mais sans conséquence. Tout le monde s'en foutait. Limite, même beaucoup de ch'toubistes disaient on balance le match. L'important, c'est Bordeaux, c'est le championnat. La Coupe de France est complètement accessoire. Et donc, on finit ce mois de janvier avec une défaite, mais au Parc en Coupe, donc on s'en fout. Et que des victoires, c'est magnifique, enfin, c'est génial. On est cinquième du championnat, on est qualifié en finale de la Coupe de la Ligue. On est sur le toit des Vosges. Hein. On commence à regarder combien de points on sépare du podium. Voilà, on se dit. L'enflammade complète. Voilà. Et derrière, le premier match, c'est Angers. On reçoit Angers. Angers, on les pète, forcément. Adversaire. Angers. Il leur manque un adversaire facile. Ils ont Bauken. Ah, c'est ça, Bauken, attention, on dirait peut-être. Mais les mecs, ils ont quand même acheté Guillaume, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de recruteur. Ils ont échangé Guillaume contre Pépé. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Putain, ça... Avec un peu d'argent, oui. Ouais. Donc, et voilà. Et bon, on sent tout de suite que malgré une domination du Racing, alors il faut que je me remette dans ce match d'Angers maintenant. Les 20 premières minutes aussi sont correctes. Hein. Enfin, je sais plus. Avec Motiba qui rate un immanquable. Ah oui, voilà, c'est ça. Sur buteur. Le quart d'heure de jeu. Ouais. Déjà qu'il avait raté contre Bordeaux avec un contrôle où il s'éloigne du but. Et contre Caen au match aller. Donc, ouais, les talents de buteur sans froid de Motiba sont un peu moins. Exactement. Ouais, au moins bon, voilà. Et mais je me rappelle même plus de ce match d'Angers en fait. Il y avait ça, mais après, ouais, ça c'est. Après, Motiba rate sur une tête, hein, je crois. Hein, c'est... Oh, là c'est moins raté parce que. C'est moins raté, elle la sort bien. Disons la première, c'est presque un immanquable hein, qui rase. Ouais, qui rase. Au but, 2 mètres du but. Ouais. Et puis derrière, alors on prend un drôle de but. Hein. Un mec qui met ses deux premiers buts en Ligue 1 aussi. Oui, oui, deux seuls, je pense, toute sa carrière. Bon, ça c'est un classique aussi de, du Racing. Après, il y a Pavlovic qui peut prendre un deuxième carton jaune, il le prend pas. Comme l'an dernier. Comme l'an dernier, effectivement. Et l'an dernier, c'est soldé par un nul, et là, malheureusement. Donc voilà. Et surtout en deuxième mi-temps, ce qui choquait un peu, c'était plus l'apathie du Racing, le manque de réaction. Mais encore une fois, le scénario, il est catastrophique pour le Racing. Ils archidominent, ils prennent un but. Au retour des vestiaires, ils prennent un but direct. Mais après ce but, il n'y a pas de révolte, on est complètement résigné. Il n'y a rien du tout. Pas de jeu. Bah, il y a eu seulement un révolte à partir de la 87e. Voilà. Une fois que Persic avait marqué. Le stade s'est embrasé. Là. Mais ça, c'était trop tard. C'est assez sympa, même si ça sert à rien. Avec une dernière possibilité c'est où totalement inutile, Pavlovic mais... il la sort là, sur un centre, alors qu'il y a York et je sais plus qui sont tout seuls derrière. Voilà. Une défaite pour nous calmer. Une défaite. Voilà, une défaite. Donc c'est bon, c'est pas catastrophique, mais c'est un peu gênant. Ce qui était gênant aussi, c'est que le match de Saint-Etienne, c'était avant, il aurait dû jouer avant. Il aurait dû être joué avant, il a été reporté. À cause de la neige. À cause de la neige, et on se retrouve à devoir aller à Geoffroy Guichard avec cette défaite un petit peu embêtante. Un mercredi à 19h. Avec les Stéphanois qui sont à huis clos partiel. Parce que je crois qu'il y a un règlement, tu n'as pas le droit de jouer un match de championnat en même temps que la Ligue des Champions. Ouais, c'est ça, règlement. Ce qui explique que le match a été à 19h. Ah ouais, d'accord. Ça c'est intéressant, ça, je ne savais pas. C'est un règlement UEFA. Mais je crois que les Anglais ne le respectent pas et payent effectivement chaque année une amende, puisque les Anglais jouent régulièrement notre deuxième division en pleine semaine pendant la Ligue des Champions. Je ne sais pas si c'est valable pour la deuxième division. Enfin, je crois que c'est une ligue professionnelle, mais à revoir. Ah. Bon, bref. Voilà, donc du coup, à 19h, ce qui n'était pas plus mal par contre pour pouvoir rentrer plus tôt en Alsace. Ouais, le retour, ça. C'était ça, facilité de retour. Déjà, on avait aussi moins peur qu'il fasse super froid, mais finalement, le temps était clément. Hein. Ça, dans le Forez, on a vu pire. Même si on a vu, hein, c'était marqué dans le côté tribune de Lamparde, les montagnes de on neige. Vu, ouais, on a vu la neige du parquage. Du parquage, enfin, effectivement. Du parking du parquage. Et effectivement, il y avait encore de la neige dans un coin qui a été déblayé, donc on comprend mieux le report. Là encore un match un peu où le Racing une première mi-temps catastrophique. Oui, non, 5 premières minutes déjà le temps on est à peine mis en place, il y a encore la petite manifestation de protestation, voilà, de soutien aux Stéphanois, un quart d'heure de silence et on a encore pris un but pendant une grève des ultras. Mais il n'y avait pas Mangan et Gris, les ultras jouent contre leur club. Exactement, c'est pas possible. Donc oui, un but tout de suite, et bon, derrière, ça ne s'améliore pas. Deuxième but gag, hein, le foot en folie, genre digne des meilleurs VHS de Thierry Roland, genre, n'importe quoi. Enfin, on n'y est pas du tout. Peut en prendre encore deux ou trois sans problème. Je pense qu'on peut s'estimer heureux. On s'estime heureux d'arriver à 2-0 à la mi-temps. Hein, mais on peut dire quand même que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. Ouais, il y avait aussi l'absence de Lala sur ce match. Voilà, de Cassie. C'est vrai qu'Aneba a beaucoup C'était un peu un bricolage en défense. Bah, généralement, quand tu affrontes une équipe où tu manques tes joueurs clés, tu vois qu'il est remplacé par des jeunes, t'insistes sur ces points faibles. Le souci, c'est que 3-5-2, il est profitable à nos latéraux. Quand effectivement, on a un match sans nos deux latéraux. Là, c'est un latéral de 4-4-2. Hein. Mais. Oui, mais qui est quand même à l'aise dans ce 3-5-2. Non. Hein. Wow. Non, Aneba, ouais, pas là. Je parle d'Aneba. Aneba, effectivement. Ouais. Aneba n'était. Mais Endur non plus, hein, pour le coup. D'ailleurs, à la mi-temps, l'OL a bien compris. Endur, il est jamais à l'aise. Hein. Si, c'est pas vrai. Ils sont pas de Endur Bashi, où j'arrête tout de suite. Hein. Mais bon, à la mi-temps, l'OL a compris, hein, parce que Endur et Aneba sortent. C'était radical, mais bon, au moins ça a relancé un peu le match parce que. On peut se satisfaire. En deuxième mi-temps, il y a eu un petit peu plus. Il y a eu un sursaut, on a marqué, l'équipe a joué déjà. On a joué à deuxième mi-temps, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un peu le prix de consolation. En 4-2-3, ouais. Hein. On a gagné la deuxième mi-temps. Ah, voilà. Ça sert à rien, mais l'équipe. un petit peu relevé. Donc voilà, bon. Et en même temps, ça sert à rien, oui et non, parce qu'il valait, pas, valait mieux qu'on parte pas avec un 6-0, quoi. Oui, parce que vu la première mi-temps, on aurait pu en prendre 2 ou 3 de plus. Hein. Voilà. Mais peut-être que si on avait pris le 6-0 qu'on méritait, on aurait pu dire. L'oré démission. Et joyeux anniversaire. Et l'oré, joyeux anniversaire, Thierry, notre idole à tous. Mais malheureusement, le tribunal de Radio Stoub doit statuer. Après un point en 9 possibles, un mois de février catastrophique, le Racing ne joue plus aucune coupe. À part une coupe en carton voilà, contre le dernier du championnat. Aucun enjeu derrière. La Coupe d'Europe s'éloigne par le championnat. Est-ce qu'il ne faut pas changer de coach? Est-ce qu'il ne faut pas se séparer de Thierry Loré avant qu'il soit trop tard? Coupe qu'on n'est pas sûr de gagner. En plus. Ce qui est dommage, du coup, c'est qu'on a raté l'opportunité Roland Courbis. Là, c'est... Ouais, c'est alors, il peut peut-être faire consultant sur deux clubs, non? Ça, c'est autorisé. Ouais. La commission d'éthique qui va se... Il parle combien par mois pour être consultant? Ah, je sais pas. Conseiller. Ah, ils ont sûrement pas encore mis de contrat, ils font ça au noir. La caisse noire toulonnaise. Il est bon pour négocier. Des caisses de vin à Caen. Hein, Roland Courbis, c'est quand même le mec, il ne sait pas parler, mais il a une émission à la radio. Ouais. Ça, comme quoi, tout est possible. Comme Luis Fernandez, c'est les mêmes. C'est les mêmes escrocs. Alors, mais revenons à notre Thierry Loré. Est-ce que Thierry Loré n'est pas allé au maximum? Est-ce que ce janvier n'est pas le comment ça s'appelle l'arbre qui cache la faune? Ouais, l'arbre qui cache la Loré. Le champ du cygne. L'apogée Thierry Loré. Est-ce qu'il a touché le soleil, t'es à l'Icar et il s'est brûlé, c'est fini maintenant? Ouais. Bah, par contre, sans rire, on a quand même l'impression que depuis, pas forcément depuis cette série un peu négative, mais les quelques matchs avant, le jeu qui faisait un peu notre force et qui a tendance un peu à se déliter, et j'ai l'impression que Loré, il remet pas forcément en cause son système de jeu, mais il l'a fait à Saint-Etienne en deuxième mi-temps un peu par la force des choses par rapport à son banc. Mais là, encore une fois, contre Caen, on a encore joué en 3-5-2, même en 3-6-1, parce que finalement, oui. Il n'y a que un joueur qui en pointe. C'est vrai que maintenant, j'ai l'impression qu'il renonce à faire autrement. Enfin, c'est vrai que vu les absents qu'on avait, on aurait presque pu envisager d'avoir une défense à 4. Enfin, sans connaître, est-ce que la défense un à 4, 3... Un 4-4-2. Un 4-4-2, un 4-2-3-1, ou même le retour du losange, hein, pourquoi pas. C'est vrai que l'attaque de Caen, on aurait même pu jouer à deux derrière. Non mais, finalement, est-ce qu'on avait besoin de jouer avec trois défenseurs centraux face à Caen? Oui, quand leur force offensive numéro 1 s'appelle Enzo Crivelli, et qu'en plus il nous manque Lamine Koné. Après, encore une fois, je pense que sur Caen, le but était de pas perdre avant de gagner. Non mais ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce que Loré n'est pas un peu obstiné? Oui, peut-être un peu figé dans son 3-5-2, comme il a pu l'être peut-être dans le losange. Après, je pense qu'on a connu un tel mois de janvier, quoi, que... Même depuis mi-décembre, hein, si tu rajoutes la qualif à Marseille et Nice, ouais, mais t'as... fatalement, à un moment donné, on allait redescendre. Hein. Ouais, mais t'as quand même En plus de Saint-Étienne et d'Angers, il y a le match, je sais pas, le match de Bordeaux, la première mi-temps. Déjà alarmant. Voilà, on a quand même du mal, hein, le match de Bordeaux de championnat. Non, mais on est un peu plus scouté, ou je sais pas comment dire, analysé par les adversaires qui savent que nos points forts, ben c'est là. Contré. J'ai entendu sur le Stoub, c'est Moulin le coach, non, je dis pas de conneries, a gagné la bataille tactique, il a su contrer Thierry Loré, justement, il a bien analysé les forces et les faiblesses, et il a mis un plan. Ouais. Bon, après, le Racing a beaucoup de mal contre les équipes qui lui laissent le ballon. Ouais. Cette année, hein, je veux dire, on perd contre Nîmes, contre Nantes, contre Angers. On bat pas contre Caen les deux fois, toutes les équipes qui finalement laissent la possession. On fait 2-2 à Guingamp. Et ça interroge effectivement sur le 3-5-2 qui effectivement est peut-être pas le meilleur schéma ça peut être un très bon schéma contre certaines équipes. C'est adapté aux joueurs en tout cas, ça c'est l'essentiel. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un peu plus de variété, enfin si pour l'effet de surprise. Tu joues pas contre le PSG comme tu joues contre Guingamp, contre Caen. Eh bien Thierry Loré, si. Ouais, y a aussi, lui est en finale. Il y a l'aspect aussi un peu coaching en cours de match où on peut s'énerver de ou alors l'animation offensive. On ne sait pas trop. Enfin, un joueur qui a régné sur le mois de janvier. Il y a un moment où on l'a laissé un petit peu. Bon, c'est logique qu'on l'ait laissé à Saint-Etienne. Il y a eu un peu la période d'Acosta. On ne sait pas trop où il en est. Motiba aussi. Disons, Motiba aussi, il rentre, il sort. C'est pas très clair dans la hiérarchie, mais disons ça, c'est un point assez positif. Parce qu'on l'avait déjà l'année dernière, ça tournait entre Bauken, Blayak et Terrier, etc. Ça tournait pas mal. C'est juste quand il y avait Boutaïb, Guillaume et Bauken, Blayak, c'était, il y avait vraiment une hiérarchie en fin de saison. Et c'est ce que Bauken a dit dans son interview au DNA. Il a dit, à Strasbourg, tout le monde marque. Alors que lui a ouais, c'est arrangé, c'est seul à marquer. Exact, voilà. Ouais. Et bon, alors c'est sûr que c'est peut-être plus gratifiant pour lui, mais c'est vrai que c'est à Strasbourg, c'était déjà un peu toujours le cas. Il y a tout le monde peut marquer, il n'y a pas vraiment de joueurs indispensables. Ou alors, transition toujours, à Radio Chou, est-ce qu'il n'y a pas un joueur indispensable et c'est celui qui nous manque vraiment et qui, sur lequel qui Thierry Loret s'est toujours basé, puisque c'est le joueur qui avait le plus joué la saison dernière. Et qui, je parle bien sûr d'Idriss Saadi. Non, Jonas Martin, est-ce que c'est pas ça qui a vraiment mis le vrai coup d'arrêt, il est là. Et Thierry Loret n'a pas trouvé son substitut à Martin. C'est normal qu'il n'ait pas pu trouver, mais c'est... Quoique ça fait un mois, et là on a eu Fofana qui a fait un intérim remarquable, qui s'est révélé, alors qu'on le voyait encore à Molsheim, encore brut un petit peu, mais avec énormément de potentiel. Là on le retrouve en D1, à un niveau quand même, il fait pas tâche du tout. Et après bon, on a eu Persic qui était une bonne opportunité, moi je trouve qu'il est en progrès. Non, mais quand on disait que le 3-5-2 était un peu fait pour Kenny Lala, je pense qu'il était aussi fait pour Jonas Martin, pour le positionner en 6, vraiment en meneur de jeu reculé. C'est, à mon avis, c'est, le système est vraiment conçu pour les deux. C'est à Rennes qu'on a commencé. Et puis Carole, qui moi je trouve manque beaucoup. Oui, parce qu'on a un déséquilibre entre les deux côtés. Carole manque énormément à gauche. Carole d'ailleurs qui a été un peu, on a senti l'énervement de Thierry Loret quand il dit que s'il avait signalé une alerte, il l'aurait pas fait jouer et pour pas qu'il se blesse. On le sentait énervé dans son. Peut-être un peu repris trop tôt. Ouais. Oh. Il voulait peut-être jouer le PSG contre sa famille, devant sa famille. Je sais pas quoi. Ah mais du coup on se rend compte que le 3-5-2, 3-6-1 qui a été monté par Thierry Loret, c'était vraiment pour valoriser certains joueurs précis et que quand ces joueurs-là sont plus là. Bah finalement le système ne tourne plus. Donc ce qu'il faudrait effectivement c'est de remise en cause. Donc démission parce qu'il remet pas en cause. Non mais trouver d'autres systèmes mieux adaptés au profil des remplaçants de ces joueurs-là. Ouais voilà, tout à fait, bien sûr. On n'a pas l'effectif où tu as des joueurs complètement interchangeables avec les mêmes qualités. Tu es quand même obligé de t'adapter un minimum. Voilà, bon, bah, donc Thierry, désolé pour tes 55 ans. Radio Stoum ne te reconduit pas malgré ta prolongation de contrat qu'on avait pourtant fêté au champagne. Et voilà, donc bah, je pense que peut-être un échange. François Keller va prendre la 1, Thierry Loret la 2. Ouais, bah, François Keller a gagné le match ce week-end. Hein. Voilà, bah, alors, des petites nouvelles sur la 2 aussi, comme on a à tort avec nous. Le Racing a gagné, le Racing 2 a battu. Donc, Vauban, un derby. Le derby de Strasbourg qui s'est joué à Molsheim. c'était la reprise pour l'équipe réserve qui a joué contre Vauban après avoir eu plusieurs matchs reportés pour diverses causes. Gilets jaunes. Pas gilets jaunes. Le vent, la neige. Pourtant, à Molsheim, le rond-point juste à côté du stade. C'est vrai, le rond-point de Dorlissa. Et du coup, ouais, c'était une équipe assez jeune. Hein. Il y avait quelques pros, enfin néo-pros comme Chamba, Zemzemi. Aneba qui était très bon. Léon Valentin finalement qui a un contrat pro en fait, il a signé un contrat pro d'1 an parce qu'il pouvait pas signer stagiaire ou amateur chez nous comme il sortait un contrat stagiaire. Donc, bon, c'est ses petites magouilles. Et ouais, un match de reprise, pas beaucoup d'occasions, le Racing a fait le boulot, voilà. La réserve qui est donc classée à peu près. Il y a beaucoup de matchs en retard, le classement est pas très lisible, mais ils sont autour de la 4e ou de la 3e place. Est-ce qu'ils peuvent monter ? Bien sûr, ils peuvent monter cette année. Ouais. Mais ça va être compliqué. Il y a Sa Réunion qui est. Sa Réunion est une très bonne équipe cette année, vraiment. Je pense que c'est eux qui sont favoris. Tant mieux, tant que c'est l'Alsace qui porte haut l'étendard du football du Grand Est. De cette zone, oui. Intéressant aussi, la Coupe Gambardella continue. Oui, pour les U19 du Racing. Voilà, un déplacement à Tours. Tours, voilà, Tours-Niort, c'est pareil, c'est la même merde. Et voilà, donc encore un déplacement. Encore le 4e déplacement, oui. Après, il y avait quoi ? Il y avait Thionville, il y avait Sannois-Saint-Gratien. Je sais plus le premier. Et encore un autre dans une ville de merde. Et donc, oui, c'est on joue les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Alors, les U19 n'ont pas forcément une génération extraordinaire, surtout offensivement. Défensivement, il y a quelques bons joueurs, mais c'est toujours bien. C'est un peu le porte-drapeau de la formation de la Coupe Gambardella, donc c'est plutôt bien d'être à ce niveau-là. C'est dommage qu'ils ne jouent pas à domicile, parce qu'on aurait pu imaginer que le Racing, Génération Racing, aurait fait un match à la Méno où pas mal de monde serait venu. Comme le quart de finale. Comme il y a deux ans. Et puis pour la finale, levée de rideau de Coupe de la Ligue, première fois. Ah, ça sera la Coupe de France. Comme d'habitude. Je crois que Tours est tenant du titre à la Gambardella, si je ne dis pas blessé, ou finaliste. Enfin, ils étaient en finale, mais. Voilà, contrairement au club de Tours, il y a une bonne formation, parce que bon, le reste. Et l'équipe 1 de Tours en profite bien, national. Enfin, ils sont dans les derniers, mais. Oui, j'allais dire, ils sont très bien classés. L'effectif est constitué de beaucoup de joueurs de la formation. Voilà, alors bon, ça fait déjà à peu près 10 minutes qu'on parle du Racing, donc on va passer au fameux quiz de Calcio avec deux Z. Bah oui, on a tout fait un peu. Pourquoi tu y vas? Tout va bien. Tout va bien? Non, tu voulais encore? Non, c'est bon. Parce qu'on a un petit peu, on a dit des trucs dans un ordre, mais on a vraiment pas suivi, on a explosé tel un Fofana à l'entrée de la surface et on a tiré à côté. Voilà. Alors, on va partir sur un quiz. Donc, on va revenir à ce match contre Caen. Merde. Alors, l'an dernier, on avait fait un super match à Caen. On avait perdu 2-0. Quels sont les 4 joueurs qui ont participé au match de l'an dernier, qui ont joué cet après-midi? Lala, bonne réponse. Martinez, bonne réponse, un point. Da Costa? Non, Da Costa, non. Liénard, bonne réponse pour Gigas. Du coup, le dernier. Cornier, bonne réponse. Là, il fallait le trouver. Hein. Effectivement. Est-ce que Cornier a vraiment joué aujourd'hui? Au hasard. À quand remonte? Sans jeu de mots, d'ailleurs. La dernière victoire du Racing contre Caen, quelle année? 2006, ouais. Bonne réponse pour Kittel. Et du coup, en deuxième division. Ouais, c'était le meilleur match sous Papin. Ouais. 3-2. Un dimanche. J'allais demander quel était le score. Bon, tu l'as donné. Par contre, je voudrais du coup les 3 buteurs du Racing. Moulongi en met un. Bonne réponse. Quad en met un. Gigas. Hervé Toum. J'ai vu la vidéo ce matin. J'ai fait la nouvelle fonction résumé de match. Donc, effectivement. Que vous pouvez retrouver. Et je suis tombé sur celui-là. Donc c'est vrai que c'était un super match. J'ai un magnifique souvenir de ce match en après-midi. Tout était beau. Et il y avait Hervé Toum, surtout. Qui avait mis, je crois, un super but. Hein, ouais. Après une demi-volée sur une ouverture. Après, il l'a réédité sur une glacière, mais c'était. Ouais, non, c'était vraiment le match où on avait pas fini en lucarne cette fois-ci. On avait confirmé notre statut de prétendant à la montée où on jouait Caen qui était premier, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Et on avait fait le match parfait et on s'était replacé en tant que prétendant crédible à la montée. Oui. Ce qui n'était pas du tout confirmé par les autres matchs de merde qu'on a fait après. Mais... La saison du centenaire. Voilà, avec le maillot du centenaire. On va passer donc un peu sur la Coupe de la Ligue. Hein. Ah. Quelles étaient donc la fameuse épopée de 2005 Qui le Racing a battu pour arriver en finale? Lille. Saint-Etienne. Clairement. Voilà. Bah alors, un point pour chaque. Et trois. D'abord trois, effectivement. Début de Belaïde. Avec les maillots noirs. Maillot en noir, ouais. D'abord trois, puis Lille, puis Clermont, puis Saint-Etienne. Donc finalement, Kittel. C'est vrai que la finale était contre Caen. Gigas deuxième, Hathor troisième avant le Survivor. Et donc le fameux Survivor. Donc je voudrais l'équipe qui a joué la demi-finale de Coupe de la Ligue en 2005 contre Saint-Etienne. Qui commence? Les 14 joueurs. Du coup, Hathor, comme tu as fini bon dernier de ce quiz, tu vas commencer. Alexander Farnerud, bonne réponse. On va rajouter le coach, comme ça fera un tour de plus. Kittel. Vercoutre. Vercoutre, bonne réponse. C'est le seul que j'avais. Moi, j'ai pas vu ce match. Enfin, si, j'ai vu en streaming. Moi, j'ai vu à la télé. Ouais. Jacky Duguay-Pérou, bien évidemment. Je vais tenter Jean-Christophe Devaux. Oh putain. Bonne réponse, Jean-Christophe Devaux. J'ai peur. Nyang, bonne réponse, effectivement. Pascal Johansen, bonne réponse. Guillaume Lacour, bonne réponse. Arthur Boca, bonne réponse. Alors là, maintenant, je commence à... Je... Alors, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en restait 6. De chacun. Je suis même plus sûr de qui a joué la finale. Je vais essayer de regarder les mecs. De... Le quiz de la finale, ce sera pas... Pagis. Pagis, bonne réponse. Mmh. Je tente un Cédric Kanté. Ah, je crois qu'il était blessé. Oh. Ah, ah putain, ben, ah non, Kanté n'a pas joué ses matchs. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Abdesaki. Abdesaki, bonne réponse. C'est des gigas, hein. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Un joueur qu'on a vendu à Lens après. Ah, alors je pense bah, Keita, mais bien je me demandais s'il n'était pas blessé, tu vois. Si, Keita, il a joué, bien joué. Il n'y avait pas Agui. Il y avait Karim Agui, bien joué, il en reste 3. 3 que vous connaissez, c'est sûr et certain. Ah bah oui, non, ça, vous n'allez pas les rater. L'équipe mythique du. Et du coup, le match se joue contre Saint-Etienne, il se joue en février. En février, à la Méno, devant 12 000 ou 13 000 personnes. Est-ce que Edgar Louet a joué? Edgar Louet. Non, il joue, c'est l'année d'après. C'est l'année d'après. Edgar Louet, c'est l'année d'après. Ah oui, Pierre, oui. Mais bien sûr, c'est pas encore. Gus, tu peux enfoncer le clou? Non, pas Gus, Little, pardon. C'est remplaçant. J'essaye Le Pen. Le Pen, bonne réponse. Ah putain, j'ai jamais dit. Et là, tout le monde revient pour les deux derniers. De Roff? Il n'y a pas de Roff, non. C'est les remplaçants ou c'est des titulaires? Bacilla. Bacilla, bonne réponse. Et le dernier qui a Abdelila, qui est monté Abdelila deux Fabi. Non, il est monté deux fois avec le Racing. Monté deux fois avec Jacques Moma? Non, non. Même pas. Monté deux fois avec le Racing? Je crois qu'il est monté deux fois avec le Racing. Voire peut-être même une troisième. Mounoungi? Non, Mounoungi a déjà. Non, Mounoungi, non, il a pas joué ce match. Je sais pas, ouais. Wow, milieu. Kamadini. Mais oui, bonne réponse, Kamadini. Et Kittel, le grand vainqueur de ce quiz. Bravo. Oui, c'était Kamadini, Pascal Kamadini. Il a vraiment joué. Un grand ami de Penon. Ouais, un grand ami de Penon. Je me demande s'il ne monte pas avec Bastia aussi, une fois. Une année. En tout cas, c'est l'artisan de la montée dont on parlait avec Jean-Pierre Papin, le fameux 2006. 2007. Et c'est le parrain d'un des enfants de Philippe Ginesté. Mais voilà. C'est sur ces belles paroles que nous allons rendre, nous allons rendre l'antenne, si je ne sais plus trop comment ça marche. Et en train de tout effacer. Voilà. Non, non, pas du tout. Et donc, bah voilà, allez Racing. Allez Racing. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Allez Racing. Merci.